Activité 36. 1. Bonjour, c'est Madame Dupuis de l'Agence pour l'emploi. Nous avons une offre pour un emploi de serveur les samedis et dimanches. Si vous êtes intéressé, vous devez aller sur notre site internet et répondre à l'offre. Au revoir. 2. Bonjour, c'est Madame Dupuis de l'Agence pour l'emploi. Pour les offres d'emploi à l'aéroport, vous devez téléphoner directement à Monsieur Olivier. C'est le responsable des entretiens. N'oubliez pas de m'écrire pour me dire si vous appelez Monsieur Olivier. À bientôt. 3. Bonjour, c'est Madame Lecomte. Pour la réunion, merci d'apporter des feuilles et des stylos pour tout le monde. Pas de crayons, juste des stylos pour écrire. C'est important. Merci beaucoup.